La fourmi. Ben, je m'entête pas, c'est elle qui me poursuit. Oh! Elle a queue leuleux, puis pourtant, ça n'a pas de queue! Sincèrement, là, ton histoire, là, n'a ni queue, ni tête. Mais oui, mais j'ai jamais vu ça, vous verrez qu'une queue! Hein? Comment ça va? Ça va très bien! Je suis en plein Ben oui, t'es en plein dedans. Et puis, ah, c'est la fourmi. Bon. Des fourmis. Ben, au pluriel. Des fourmis au pluriel, à la queue leuleu. Bon, et puis, ben, il n'y a pas de queue. Ben. Si je te dis, ma belle Gaétane, que c'est une expression. La fourmi. Non, la queue leuleu. À la queue leuleu. À la queue leuleu. À la queue leuleu, m'en allons promener. J'ai trouvé la fourmi si belle que je l'ai rapidement gobée. Le plus dur à digérer, c'est la queue. Y a pas de queue, c'est une fourmi, à la queue leuleu. Il y a longtemps que je la bouffe. La fourmi? Oui. Hey, bon, il y a de la réverbération. Beaucoup de route, monsieur. Je suis votre technicien. Oui. Technicien? Wow, aboyez. J'aboie souvent. Vous avez trop d'écho là-dedans, tandis comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est... Non, on va mettre plein d'écho, hein? Faut en mettre plein la gueule. Plein la gueule, plein la gueule, plein la gueule, plein la gueule. Quoi ouais, qu'on en met souvent plein l'air. On en met dans la... Oh, c'est Georgette! Georgette! À la queue, Lulu! À la queue! Ben oui, la fourmi, ben oui! Un petit bodo, s'il vous plaît. Aggravez pas son cas. Non, ben elle veut pas, là. Elle cherche, puis elle trouve pas. Hein? Docteur? Non. Ça va bien. On voulait vous appeler, là, mais vous êtes déjà là? Ouais. Hey, on a-tu de la force cérébrale? Oh, hey, on s'y dit qu'elle a besoin d'aide. La fourmi à la queue leuleu, là, est partie là-dessus, là. Queue leuleu, docteur? Ouais. Bon. Vous êtes à la clinique? Ouais. OK, ça va bien, vous? Ouais. Votre femme va bien? Marie. Oui, vos maîtresses vont bien. Marie. La petite danseuse, là, Jessica Nolin, là. Marie. Hey, quelle belle femme. Elle maîtrise le poteau, hein? Marie. Oh, c'est pour ça qu'elle m'a attiré, là. Ah, après ça, elle m'a pris par la cravate. Autour du poteau. Puis là, elle dit, donne-moi ton argent. C'est elle, hein? Marie. OK. Vous lui avez donné quelle sorte de petite pilule, là? Allô? Marie. Oui, OK. Il veut pas se noyer, lui, là. Parce qu'il sait que les cédules, non, c'est quoi, non? Le syndicat des médecins. Écoute cette émission, surtout Folliculture. Folliculture, êtes-vous là? Oui, mais on peut pas. Il y a une ligne simplement, puis c'est pour la fourmi. Oh, ah oui. Docteur? Marie. Vous connaissez la petite dame à côté de moi, là? Marie. Excusez-moi, la dame, parce que ça diminue. Puis là, on m'a dit, faut pas trouver des adjectifs qui risquent d'endommager l'intégrité. Bon, vous savez comment c'est dans ce milieu-là, là? Bon. Alors, ben, je crois qu'elle est. Excusez-moi, là, elle est à côté de moi, mais elle m'entend pas. Là. Elle est en train de regarder la fourmi à la queue leu-leu. Puis... Il y a un petit problème technique là, depuis quelques minutes. Là. Ouais. C'est parce que. Vous êtes calme, vous, hein? OK. Mais c'est mieux de même. Non. Vous êtes hypnotisé? C'est par la danseuse. Hein? Oui, quand j'ai regardé le poteau, qu'elle m'a étranglé avec la cravate. Bon, on va revenir à Mme la fourmi. Mais ben, Madame, c'est pas la fourmi, mais elle en voit. Puis, parce qu'elle a des problèmes, sans doute, intellectuels ou de connaissances générales, beaucoup plus qu'intellectuels. Bon, on va vous expliquer le cas. C'est que... ça va bien, vous, monsieur... Bon, OK. Merci, ça me fait plaisir de voir que vous êtes au-dessus de ces affaires-là. Et c'est bien. Faut pas, surtout. Hein, madame, non, restez calme. C'est parce que elle saisit pas le sens propre et le sens figuré. Saisissez-vous ça, vous? Bon, OK, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Vous êtes bon, vous? OK. Et puis, sens propre, sens figuré. Alors, à la queue leu-leu, c'est une expression. Hein? C'est pas nécessaire. On n'est pas nécessaire. On n'est pas obligé d'en avoir une pour être à la queue leu-leu, là. Bon. Eh, mais elle, c'est pas ça qu'elle comprend, elle, là. Elle a dit que les fourmis qui suivent ne peuvent pas être à la queue leu-leu puisqu'elles en ont pas. Ouais. Ouais. Même moi, je commence à devenir zen, là. J'ai pas mis de camomille. Deux camomilles, pas de glace, s'il vous plaît, avec régurgité. Non, comment on dit ça? Bien purgé. Ça se purge-tu, ça, monsieur, de la... Oui, OK. Et puis votre danseuse. OK. Est-ce que je dois lui dire d'aller dans les écoles francophones pour saisir le sens propre et le sens figuré? Ou si c'est un problème beaucoup plus dans le grenier, là, vous savez, entre la machine à coudre, la machine à coudre et les tiroirs pour ranger la mémoire, là, les tiroirs à coudre, la mémoire. Parce que à l'école, on a pris ça à la queue leu-leu, là, à la queue leu-leu. Moi, j'étais en arrière, moi, là, toujours en arrière. J'avais toujours peur que quelqu'un en avant, mais ouais, parce qu'il y avait la petite Sandra en avant. Ah, j'étais toujours à la queue, là. J'ai pris mon éducation là-dessus, là, puis elle est devenue directrice générale, là, là, directrice générale. À TV! Pas radio, à TV, madame, monsieur. Je voulais pas m'emporter, là. Vous l'êtes pas, vous? Non. OK. Et puis là, si je vous l'envoie la semaine prochaine, est-ce qu'on doit prendre un rendez-vous ou si on dialogue comme ça, puis... Non. OK. Alors, mardi, 15h30, dans votre bureau. Non. OK. Puis, si vous voulez, amenez la grande Sophie. Ah, amenez-moi la grande Sophie avec sa guitare. On va faire un spectacle. J'ai des micros, moi, là, un peu partout sur moi. Là. Je peux pas sortir sans micro. Là. On m'appelle le malade au micro. Là. Hey, j'ai des enregistrements assez faramineux du samedi soir, là, vers 2h du matin. Vous voulez vous entendre ça, hein, monsieur? Aimeriez-vous ça? OK, je vous amène ça dans votre studio. C'est pas un studio, hein, c'est une clinique, dans votre clinique. Avec la dame en question, puis expliquez-lui là, la queue leu-leu. Si vous voulez faire du travail à la maison, queue leu-leu, sens propre, sens figuré. Merci, monsieur. Vous êtes. On se revoit la semaine prochaine? Marie. OK, merci. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rinaldienne. Hey, c'est tout sérieux, ça? Bienvenue à on aime ça de même. On veut pas, on s'excite pas le poil. On en a plus. On se la rase. On se la rase quoi? On se la rase la motte. Oh, comme Mado la motte. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre court-circuiteur de réalisme rénal de Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Oui, on va le faire. L'absurde aventure. Aimez-vous ça quand je dis ça, madame? Je vais le faire. Attendez, je vais le faire. J'arrive, je vais le faire. Je vois le verre. Ce soir. L'absurde aventure, cette nuit. C'est la nuit que... Oui, c'est... Hein, ça, on le sent, là. Comment s'appelle ça, malade? Quand l'armée, là, c'est... non, c'est pas les témoins de Giro, non. C'est... les tanks! Est-ce que c'est français, les tanks? Les chars d'assaut. Chars, c'est pas français, ça. Les voitures d'assaut. Les quadrupèdes métalliques d'assaut. C'est assez, ça, d'assaut? Jean d'assaut. Et toi, si tu n'existais pas, j'aimerais t'exister encore avec ton corps qui reprend sur mes mains. La couleur des beaux jours. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer la nuit. Et monsieur, c'est comme le tic-tac dans mes doigts qui éclabousse la vie. Fring! Et toi, si tu n'existais pas, je voudrais voir le dernier jour. Eh bien, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant, ça fait peur. C'est une chanson qui... Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 30 mars 2012, l'errance... Rénal. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes... c'est fini le morse, madame. Il n'y en a plus de morse. Il y a juste des fuck, plus de morse. Je fais bien ça, le fuck. Faites pas ça à la maison, là. Vous pouvez vous avaler la langue. C'est une question de langue, ça. Ah, la langue de chez nous, votre enfant est dehors, il y a des boules de neige et des carottes, pas dans les cheveux, mais des carottes dans les cheveux, qui est méchant comme une teigne et qui voudrait voir sa mère, sa petite mère, et qui est mort d'une glissade en bouffant la soupe froide. On appelle ça un dernier souffle. Hein? Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du groupe mythique Joseph Danvers. Joseph Danvers est un auteur et un artiste multidisciplinaire. Il a fait des études appliquées, puis du cinéma à la Fémis. Il est membre de divers groupes, dont Rock, ben, pas dont Rock, dont Rock, Rock, ben, pas Rock voisine. Là. Non, on parle de musique. Là. On parle de... C'est gentil, hein? Il va nous actionner. Il fait de la musique, lui-là. Là. Je parle pas de Joseph, je parle de rock. Rocker rock the bunker, rocker rock the bunker. Alors, des études appliquées en cinéma et des groupes rock et post-rock nommés Portugal, Polygirl. Et Super 8, tu connais, Polygirl, pas vraiment. J'ai déjà diffusé au début mes errances rénaldiennes le groupe Super 8. Puis j'avais juste un projecteur à 16 mm. C'est une blague, là. C'est juste pour les gens qui sont connaisseurs là, dans le 7e art. Là. Super 8. Il y a 8 mm, il y a Super 8. 16 mm. Non, la tronçonneuse, ça. Non, oui, je sais, on peut attribuer ça aux armes millimètres, là, mais moi, mon cerveau, c'est millilitres. Joseph, bon, OK, 2006, c'est un ancien boxeur, mon ami Joseph, et je dis mon ami. parce que c'est écrit boxeur, donc. Et puis, il a signé avec le label Atmosphérique et publie son premier album le 16 mars 2010. Joseph sort son premier roman, La nuit ne viendra jamais. Il retourne au même moment en studio pour l'enregistrement de son troisième album qu'il réalise seul. En juillet 2011, Errance Renadienne rencontra ce fabuleux artiste. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale, oui, mais la musique, elle... J'avais l'air d'avoir fait ta fac avec un coiffeur preneur de pilules. Dedans, je sentais mes cellules. Tout partout sans faire, s'ennuyer de demain ou d'hier. Le temps, je le sais, je le sens, me manipule. J'avançais, parti dans ma bulle, fouillant mes tiroirs. Ah, y'a toujours des boîtes à défaire, y'a toujours des vieux billes qui s'accumulent. Les chats m'envoyaient des granules. Faisait chaud pis noir, ah pis j'avais pris quelque chose comme 10 bières. Le vent soufflait mes pellicules. Temps de checker ma cédule, checker mon affaire. J'avais fait 10 000 tours de terre, gagné, perdu, une coupe de nœud. Ma face de pommeur funambule faisait peur aux mères des filles de famille nucléaire. J'avais pas le profil pécule. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le député, j'ai le décollé, monsieur le président, nous nous apprêtons à vivre ce soir le dernier épisode de cette folle aventure qui s'est appelée la patente. S'il vous plaît, calmez-vous. Et nous allons vivre ce dernier épisode ensemble. Nous allons donc passer ensemble les deux prochaines heures de nos existences respectives. Il n'en tient qu'à nous et rien qu'à nous pour faire de ces deux heures un moment inoubliable. Et je crois que c'est bien parti. On dirait que vous êtes un million. Et je n'ai jamais fait chanter un million de personnes. Ce sera la première fois. Mes paroles sont très simples. Mais je crois que je vais me dépincer le nez pour l'occasion. Alors allons-y tous ensemble. Ça va comme suit. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Maison, maison, maison, maison. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, non. Ah oui, ma sang, ma sang, ma sang, ma sang, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ma sang, ma sang, ma sang, ma sang, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. S'approcher du père, vendre son char vraiment pas cher, se mettre chat avec ses molécules. C'est une chanson, c'est une virgule, c'est un temporaire. Tout parti, tout partout dans la... Le vent soufflait mes pellicules. Pas de problème. C'est bon. Une pinte de Vittel. Ouais, veux-tu te placer ici pour pas cuire? Oui. Moi, ça me dérange pas, je suis habitué. C'est vrai? Tu vas te mettre au soleil? Ben oui. Ben oui, mais après, ça plombe. Non. Vas-y, hein, moi, je peux me mettre au soleil, c'est bon. Hein. Pas de problème, après, allons. J'ai déjà rougi, de toute façon, maintenant. Ouais, mais moi... Ah, je suis désolé. On était... Non, il n'y a pas de problème. Puis la jeune fille nous a fait déplacer. Ah ouais. C'est la chaise musicale, c'est merveilleux. J'avais vraiment chaud là. Ben oui, c'est mieux. Quand ça plombe, ça plombe. Et c'est moins pire que l'année dernière où c'était la canicule. Je me souviens même plus des... Ben moi, j'étais ici. Ah ouais. Je souhaitais comme la guerre de ma vie. Bon, alors on parlait de cinéma, donc de tes vidéoclips qui éventuellement seront peut-être... Ouais, alors en fait, je pourrais les réaliser, mais le problème, c'est que, par exemple, là, c'était on vient de terminer mon cinquième, et après, là, je vais aller voir visionner, d'ailleurs, mon cinquième clip. OK. Et je les ai jamais réalisés, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où je commence à réfléchir à chacune des chansons, à chaque fois, je me dis, la maison de disque me pousse en me disant, mais réalise-le, réalise-le. Ah, ok, c'est ta maison de disque. Ouais, ils me disent, ce serait bien de le réaliser, tu vois, si toi, comme ça, voilà, ce serait bien que toi, tu le fasses. Et j'y arrive pas parce que tout ce qui me vient en tête, c'est déjà dit dans la chanson. Alors, je peux pas sortir de ce truc-là. Donc, c'est vrai que, à part pour celui-là que j'ai toujours pas réalisé, mais dont j'ai eu l'idée de base, peut-être que le prochain je le ferai du coup. Ok. Mais t'es trop collé à ton œuvre. Voilà. Tu pourrais faire des vidéos pour les autres. Voilà. Et j'aime bien en revanche travailler avec des gens. C'est-à-dire que j'aime bien travailler avec un réalisateur parce que du coup on peut discuter d'images, on discute de techniques, de trucs, et de découpage. Et puis toi tu sais comment fonctionne la formule. Voilà. Là je suis allé au montage 3 jours. On parle en termes techniques. On gagne du temps sur le tournage. C'est le clip de Radio One. Ok. Voilà. Okay. Et voilà, et c'est vrai que là j'ai trouvé un réal qui est assez. Qui me ressemble, un réalisateur qui me ressemble assez, qui a compris ce que je voulais, et je suis super content du clip. Donc je me dis, peut-être c'est le début d'une collaboration, pourquoi pas co-réaliser. Ah, okay. Tu vois, voilà. Avoir un œil, mais le laisser filmer, voilà. Après ça, dire un peu ton idée pour le montage. C'est bien, des fois, je fais déjà beaucoup de choses dans le projet, donc c'est bien des fois d'arriver à déléguer. Eh bien, moi je fais les chansons, je réalise l'album, j'ai un peu les idées des clips, etc. Mais au bout d'un moment, il y a des gens qui sont meilleur que moi pour vendre la musique, pour réaliser les clips, pour faire du marketing, pour tout ça, c'est leur métier. Ouais. Au bout d'un moment, il faut savoir. Et toi, tranquillement, après le troisième album, donc tu as voulu dire des choses, tu as eu un enfant, donc tu as évolué, tu as amené des idées. Trouves-tu quand la première chanson est celle que tu as placée sur le disque en dernier, il y a quand même une certaine. Un certain lien, au contraire, c'est un autre Joseph du début jusqu'à... C'est forcément un autre Joseph. Il y a eu 5 ans qui se sont écoulés. Il y a eu, comme je te dis, plein de collaborations, des voyages, des tournées. La vie m'a apporté plein de trucs, du bon comme du très mauvais. Donc forcément, les choses que j'écris maintenant sont... il y a plus de chair que ce que j'écrivais il y a 5 ans. Maintenant, la dernière chanson, c'est marrant que t'en parles, elle s'appelle Les âmes solitaires et c'est une chanson que j'ai écrite pour ma fille. Okay. Juste pour lui dire un peu comme un constat, comme j'avais dans l'idée de me dire c'est peut-être le dernier album. 3 albums c'est bien, et puis peut-être changer de projet, peut-être parce que c'est. C'est-à-dire je sais pas, c'est très très long et très difficile à plein de points de vue d'écrire un album. Okay. La maison de disque est là. La maison de disque est là, mais tu es seul. Quand tu écris quelque chose, tu es vraiment seul. Ouais. Et quand tu écris un roman aussi, parce que tu as écrit un roman. Ouais, quand tu écris un roman aussi, mais si tu veux, roman j'en ai écrit un album, j'en ai fait 3, j'en ai fait avant avec d'autres groupes, etc. C'est assez dur à exprimer, c'est-à-dire que... Alors tu sens que tu vas changer peut-être... À la fin, quand l'album a été mixé, etc., je me suis dit c'est le dernier, j'ai plus envie d'en faire. C'est-à-dire que ça a été trop compliqué et ça m'a trop meurtri à plein de points de vue. C'est pas une posture, c'est vrai. Non, c'est-à-dire okay. que c'est pas juste d'écrire les textes. Mm. Non, c'est de tenir le cap, c'est de... Désolé, je vais me mettre là. Ouais, c'est mieux. Merci. Je vous en prie. I don't give a shit. Zail, zail, zail, zail, zail, zail, zail, zail, zail, zail, zail, zail, zail. Saviez-vous, madame? Oui! Vous saviez que demain, de 1h du mat jusqu'à 8h du mat, vous aurez un spécial Radioton Errance Rénaldienne. C'est vrai, je vous le dis, délirant, plus que délirant. En disant ça, là, puis la thématique, le schème, le fil conducteur, oui, allez-y. Ouais, voilà, on tombe dans l'enfance. Et oui, c'est ça, vous l'avez, le sujet principal, c'est le retour en enfance. Errance Rénaldienne refera, ou fera. Fera? Non, c'est la dixième fois. Non, c'est déjà, non, c'est unique. Très, oh, on peut pas dire le contraire, monsieur. C'est très unique. Ah oh, ouais, c'est unique. Une régression. En direct. Devant les micros, les caméras, Internet, je tenterai. Oh, t'aimes ça dire tenter? Oh, je me tente souvent, moi. Oh. Je tente le diable. Je tenterai de vous présenter ça en direct sur webcam. Ah, on aurait pu. 2012, je me suis dit, hey, allume le pervers, allume. Faut que les gens voient ça comme ça se fait à la seconde où ça se fait, sans montage, sans rien. Webcam direct. C'est pas rien, ça, là. Vous pouvez nous entendre, vous allez pouvoir nous entendre sur Internet et me voir, mon émission, peut-être, en tout cas, moi, je m'incorpore là-dedans, là. Je n'ai pas encore parlé au groupe, mais moi, Rénal Gagné, de 1h jusqu'à 8h du mat, caméra. Toutes les extravagances seront là. Soyez. Appelez vos amis, vos ennemis surtout. Dites, hey, oui, je te conseille pas ça. Ah, je te le conseille tellement pas là, que je crois que je vais raccrocher Georgette. Georgette? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, je raccroche. Dans la seconde. Ah, moi, ça fait déjà 2 minutes. Ah, je suis en retard, comme d'habitude. Ah, t'as-tu appris la mort de John Bedden? Ah, il est pas mort? Il est mort. Ah, man. Imagine. Ah, puis Yoko Nuno? Ah, Yoko Nounours aussi. Ah, elle est en plus, la nounours. Ah, c'est pas vrai, ça? Je pensais qu'elle était gonflable. Et puis, non, ben, elle est en peluche. Ah, man. Ces peluches sont vendues sur eBay, là. Vous savez, tout ce qui est la bourrure. Ah, elle s'est faite bourrer. Elle s'est faite bourrer par Josh Bedden. Ah, ça, c'est Joe Bedden. La Barlow. Oh, je connais Joe Bedden La Barlow. C'est le mari de Marilyn Monroe. Vous connaissez l'histoire stupéfiante. Ouais. C'est pas stupéfiant, là. Oui, stupéfiante. D'un coup préalimenté sans lui. En se sent bien antimonieux. Les nanas sont dans les nuits. Les nanas sont dans les nuits. Voyez-vous dans les étoiles. Soldats qui répandent à nos campagnes, un homme citoyen, entrez nos bataillons, marchons, Canada, terreur de nos aïeux, ton sein en plan fait du rang glorieux, car ton bras s'est porté mémé. Là, ici maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Mémé, aimait nous fredonner la mélopée de son passé. Mémé. C'est quoi la mélopée de son passé? C'est. tu vois pas l'affaire, oui. Quand régnait à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous. Bon. Ouvrons-lui un petit coin de bord. Fuyez, madame. Fuyez, gossant de Ribedon. Laissez-le nous suggérer. Là, les gens n'ont même pas compris ce que tu voulais dire. Oui, Bukowski est un écrivain. Il était, quoique ses romans, ses livres, ses nouvelles sont restés. Ses vidéos aussi, ses DVD. Vous pouvez le voir en action. Pas dans des, oui, dans des ébats intellectuels. Oui! Là, comprenez-vous, madame? C'est vrai. Ben oui, c'est bien. Croyez-vous que... C'est vrai. Oui. John Bedden, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Bon. Alors, laissons-le nous suggérer une improvisation. Ça, je parle toujours de Charles. Pas Charlie Hebdo, là, Charles. Quoi que Charlie Hebdo, ouais, ça a frappé. Hey, moi, j'avais terminé de faire le mur du fond, là, tout repeinturé. Hein? Alors, je repeins, et pouf! Explosion! J'avais dans les mains la peinture, oui. Le plumeau. C'est pas un plumeau, monsieur, c'est la... C'est, comment t'appelles ça, non? Une plume? Ben non, c'est pas une plume. Quand tu peintures avec un rouleau, ouais, des compresseurs. Ah mon Dieu, moi je décompresse avec en écoutant mon émission. Je m'écoute moi-même. Ah, c'est bon. Ça, c'est pas de la masturbation radiophonique, quoi. Bon. Et puis, qu'est-ce que... pas un plumeau, un pinceau! Pinceau! Pince-moi pas, c'est un cauchemar. Alors, ouvrons-lui un petit coin de bord. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première. C'est phrase, hein? C'est quand même... Non, c'est pas phrase, mais c'est facile, le mot pinceau, là. Mais quand tu t'en souviens plus, là, t'es perdu. Alors, tu fais quoi? Ben, tu fais un être étrange à la radio. Non, tu fais comme l'oiseau. Oh! Oui, sa vie est pure et d'eau fraîche. L'oiseau. Et jamais ne l'empêche. L'oiseau. D'aller plus haut. Alors, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. J'écoute pas ça demain, moi, là. Il sera pas apte à saisir, à comprendre, à ouvrir une pitoune. Il comprendra même pas ce que c'est qu'une pitoune. On va dire, Rénal! Oui? Rénal, ouvre la pitoune! Pitoune? Pitoune? Il y a de la pitoune? Mais oui, il y a de la pitoune devant... Ah, il y a de la pitoune, il y a de la pitoune! C'est... Le Radioton, il y a de la pitoune! Il y a beaucoup de pitoune pendant le Radioton. Sur la console, là. Alors, laissons-le nous... Moi, je vais juste ça pour les pitounes. Ah! Oh, hey, pour ouvrir la pitoune. Oh! Je suis capable d'ouvrir la pitoune, moi. Oui, mais ben, c'est là on t'entend parler. Ben oui, mais c'est moi qui anime. Ah, ben, ferme ça quand même, là. Fais jouer de la musique. OK. Alors, vous êtes gentil, madame? Ah, je suis très gentil, moi, là. Je scintille de gentillesse. Oh! Lancez-vous pas trop de fleurs, là? Non, je me lance des roses. Oh, moi, c'est les épines. Dorsale! Dorsale, oh, mon Dieu. Moi, ça me fait pas dormir, la dorsale, moi. Ça me tient réveillé, ça, parce que la souffrance, hein? Aïe, je pince la tige, moi, là. C'est pas la tige émettrice, là, c'est la tige de la rose. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons l'introduction parce qu'on est introduit depuis longtemps. Là, hein? Sentez-vous ça, vous, qu'on est introduit depuis longtemps? Ah, oh, mais j'ai rien senti. Vous, sentez-vous ça? C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Elle sent tout. Elle s'en va. Bye-bye, à la prochaine. Alors, la première phrase, c'est « Monk entra ». L'a déjà fait, je le sais. N'appelez pas à CKRL, on l'a déjà fait. Monk entra, là, c'est... Mais comme c'est de l'improvisation, il va monter. Non, il va entrer. Il monte pas, il entre. OK. Mais entre mon Monk. Et je rentre. Trop tard, moi, le soir. Mais je me retrouve là dans des chemins à New York où c'est plein de monde. Donc, il est... C'est quoi? Il fait noir de monde? Non, c'est noir de monde. Puis plus c'est noir de monde, le soir, moins on voit rien. Donc, on tâtonne et on aime ça tâtonner à New York. La nuit, là, le jour, on ne peut pas tâtonner parce qu'il fait clair, c'est clair. Ton émission n'est pas claire, là. C'est très sombre. On aime ça de même, lugubre. Lugubre? Pas lugubre, c'est sombre. Ah oui, mais est-ce que ça peut être lugubre, sombre sans être lugubre? Ben oui. Mais tout le monde sait que les lugubres pas cuits, là, c'est dur à avaler. Non, c'est pas lugubre, c'est légume. Ah, c'est moi ça. On m'a nommé, c'est moi, légume gagné, oui. C'est comme les petites carottes. Vous savez, Mme Monk ne faisait pas cuire ses carottes. Ah, il mangeait crut. Avant de jouer du piano, là, il y avait la carotte dans la bouche, il avait arrêté de fumer depuis 15 minutes. Ça le stresse d'arrêter. Juste le fait de dire j'arrête, là, il en allait mettre un autre. C'était un gas bar du piano. Ça fait qu'on a dit à Monk, mets de la carotte dans la bouche, mets de la carotte. Mais ah, il aimait ça, mettre de la carotte. Il en mettait de la carotte. Il était à 12 carottes. Là. Il animait tout ça. Pff, là, il jouait poum, poum, poum, poum, poum, poum, rassaphodite, ranamodite, la saudite. Non, raphodite. Ramondite. En tout cas, il jouait du piano. Et même, il se trompait. Il jouait à côté, puis s'imaginait qu'il y avait des notes. Puis, voyons, comment ça, ça joue pas. Ben non, hey, manque. Tu manques de dextérité, là. Regarde les touches. Hein? Il y en a de la blanche, il y en a de la noire. Hein? Quand il y a de la noire, il y a de la blanche. Quand il y a de la blanche, il y a de la noire. Mêle-toi pas avec ça, là. C'est en haut. La noire est en haut, la blanche est en bas. OK? Bon, il y a de la pédale aussi. Il y a de la pédale, puis il y a de la noire, puis de la blanche. Oh mon Dieu, c'est comme un quartier, là. Il y a de la pédale, il y a de la noire, il y a de la blanche. OK? Attention. Rassemble-toi les idées. Ouais, il y a de la carotte. Ah, de la carotte joyeuse. Il y en a de la carotte. Ah, c'est... il y a de la pédale, de la carotte, de la noire, de la blanche. OK? Des carottes blanches? Non, non. Non, carotte, ça, c'est un truc. Ça, c'est un légume. Oui? Oui, j'en suis un, oui. OK. Mais il y a aussi de la blanche. Ça, c'est les notes. Les notes après ton piano, mon manque. Oui. Manque pas la recette, manque pas les informations, je répète pas. Parce que là, j'ai pas écrit le scénario encore. Là, mais bon, il y a de la blanche en bas, puis il y a de la noire en haut. Tu l'as dit? Ben oui, mais il a pas l'air à. Il mange de la carotte, puis il comprend pas. Il se prend pour Bugs Bunny, lui, là. Le lapin laboureur. Le laboureur labouré. Le laboureur labouré. C'est vraiment que tu es tout seul. C'est-à-dire que t'as beau avoir une maison de disque, des amis, des proches, machin. Le temps il est long. Entre le moment où j'ai écrit mes chansons, c'était. Quand j'ai écrit mes chansons, c'était il y a deux ans, quasiment. C'était au mois de juin d'il y a deux ans. Ok. Et l'album est sorti il y a trois mois. Donc si tu veux, les chansons, il y a deux ans et deux mois, elles étaient toutes écrites. Et après, c'est de l'attente. Et c'est après, vrai. C'est savoir négocier. Et savoir faire des choses qui ne sont pas de la musique. Et ça, c'est compliqué à gérer. Et c'est donc, ce que t'aimes pas. Bah, c'est ce que j'aime pas. Il y a peu de gens qui l'aiment. Alors, c'est vrai que j'aimerais, comme je suis assez productif, j'aimerais que les choses aillent plus vite, quitte à mettre moins d'argent, tu vois. Mais qu'on produise des choses plus régulièrement et qu'on soit plus... près de la chanson. Ouais, et plus près de ce qu'on a envie de dire au moment donné. Là, ce que je chante, ce que j'ai chanté samedi, bah, je l'ai écrit il y a deux ans. Ok, ouais. Donc, alors, je suis toujours dedans, mais c'était il y a deux ans. Ok. Là, j'ai écrit d'autres textes qui seraient peut-être plus actuels. Mais pourquoi tu les fais pas sur scène en même temps, puis après ça, tu les replaces sur disque? Bah, parce que. Qui présentent leurs chansons avant et qui les en disquent après. Bah oui, mais mon album vient de sortir. Donc c'est une tournée promotionnelle. Ah ouais, pour l'album. Si je joue que des chansons qui existent même pas, c'est vrai que. On va me dire, t'es gentil, mais. Mais tu joues le single. Oui, c'est ça, présente-nous ce que tu fais. Voilà. Et est-ce que tu crois qu'en chantant, tu fais assez de tournées ou au contraire, c'est plus difficile aujourd'hui de faire des concerts, des spectacles? C'est pas quand même. Tout est plus difficile. Oui. C'est-à-dire que moi, je vois avant même de signer, quand j'avais mes groupes de rock, c'est moi qui nous faisais tourner. Avez-vous indiqué? Comment? Avez-vous indiqué avec les groupes avant? Avez-vous fait des disques? Ah! Ah ouais, bah ouais, si tu parles à la Réunion. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais sorti un album avec un des groupes, ouais, qui s'appelait Paul Lagerl. Et c'était Paul Lagerl, ça. Okay. Et c'était du post-rock. Okay. Sur un label très indé, là, pour le coup. Mais voilà, on était distribué par Pias, on avait tourné un peu. Est-ce que c'est trouvable? Dans ma cave, j'ai des exemplaires à rendu, si tu veux. Sur Internet, par exemple. Sur Internet, il doit y avoir des traces, je pense, par-ci, par-là. Ok. Je sais pas si c'est très. Je sais pas si ça a la peine d'aller chercher ça. Okay. Alors, l'album était pas. Ce qu'on a fait après l'album était beaucoup mieux, mais on a splitté entre temps. Donc on a plein de bandes de chansons qui seraient très actuelles et tu revendiques pas, bref, cet album-là. Si, je le revends. Okay. Non, tout ce que je fais, je le revends et je l'ai fait. Okay. Donc, je l'assume. Mais hier, j'ai discuté avec un musicien qui dit non, je vais même expliquer. Ah ouais. Je pouvais avoir certains endroits où les albums sont disponibles. Au Québec, là, on a des. Il m'a dit non, je cherche pas. Ah ouais. Non, tu peux le trouver, il y a des trucs bien, mais c'était. On a enregistré cet album 6 mois après s'être formé. Okay. Donc si tu veux, c'était tout neuf, il y avait plein de pistes, c'était enregistré dans un studio associatif, mais bah, on a eu un article dans Les Inrock, dans Magic, dans L'Express, et puis on a tourné, mais voilà, alors que nous on se disait, merde, l'album il est pas comme on aurait voulu qu'il soit, il sonne pas comme on voulait, moi je parle, c'était pas bien enregistré, mais voilà, il existe donc. Voilà, et puis a priori là maintenant quand on tourne des fois il y a des mecs qui me reparlent, des patrons de salle qui me reparlent de Paul Lagerl, qui me disent t'es pas le chanteur de Paul Lagerl, je dis oh génial, parce que c'était à l'époque de Prohibition, Oui, Cléo, de tous ces groupes. Un peu punk rock. Voilà. Okay, pas vraiment punk rock, nous on était. Nous c'était vraiment post-rock. Okay. C'était instrumental la plupart du temps, noise, et juste une voix slammée par-dessus avec des textes. La musique de bar, comme on dit chez nous. Si tu veux. Jouer dans un bar avec. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus fumer, mais à l'époque, on pouvait fumer. Ah, voilà. On sentait la fumée. Et comme tu n'es jamais passé à Québec, peut-être que ta maison de disque pourrait être. Ben, ce serait bien. Ben oui. Moi, j'aimerais bien. Ben, il y a des festivals, il y a surtout le festival d'été actuellement qui se déroule. Ben là, il est trop tard, mais ben, il y a des années qui viendront. Mais j'aimerais bien, moi, j'aimerais bien. Je suis jamais allé comme. Mais t'as fait des tournées où en Suisse, en Belgique? Suisse, Belgique, France et Japon sur le premier album. Japon? Voilà. Harrison, errance canadienne. C'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Hey, c'est pas n'importe qui a dit ça, là. C'est Jim Morrison. Merci, monsieur, mais on n'a pas compris le début. Si vous voulez récapituler, s'il vous plaît, avant de capituler. Hey, comme le mentionnait Jim Morrison, errance canadienne. C'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Hey, c'est pas n'importe qui a dit ça, là. C'est Jim Morrison. Il a bien raison, le monsieur, là. C'est pas n'importe qui, ça, là. C'est le monsieur. Le monsieur. C'est qui, ça, le monsieur? C'est lui, là. Qui? Qui? C'est qui, ça, le monsieur? C'est le monsieur. Il y a la madame et il y a le monsieur. Il y a le petit enfant, il y a la petite fille, il y a la grande fille, il y a la demoiselle, il y a la dame, il y a la vieille dame, il y a la grand-mère, il y a l'autre, là. Comme je le disais tout à l'heure, les carottes dans les cheveux, qui est méchant comme une teigne. Mais cette semaine, et ça, qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur le propriétaire de toutes les célébrités intellectuelles, je n'ai rien à dire là-dessus. Si on pourrait continuer l'émission, je me sentirais beaucoup plus à l'aise, parce que là, maintenant, je suis... Mal à l'aise? Non, je suis mal. À l'aise? Non, je suis mal. Oui, mais à l'aise? À l'aise, je le connais pas, moi, là. Je connais personne de ce prénom-là, puis si je le vois, là, je vais vous appeler, monsieur. Non, vous êtes mal à l'aise. Je vous ai dit que j'étais mal. Oui, mais à l'aise? À l'aise, je le connais pas. C'est une expression mal à l'aise. Mal à l'aise. C'est comme à la queue leu-leu. Oui, c'est ça. Vous avez raison. C'est comme l'expression à la queue leu-leu. Non, je... Mal à l'aise. Est-ce que je peux pas? Oui, alors on va passer, merci. Sinon, je vais me mettre à pleurer. Vous sentiez, hein? Ben oui, vous aviez le corgoton loué. Non, pas loué, mais noué. Ah, mais moi, je loue les noues. Vous louez les noues. Oui, je loue les noues continuellement. Et il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, même sur Internet. Oh, parce que vous vous affichez. Je m'affiche. Sur Internet aussi. Errance rénaldienne est maintenant. Et non, elle a toujours été. Oui, c'est vrai ça. Il a toujours été là-dessus. Alors, si vous voulez le voir... Pas l'errant. En personne. C'est simple. Sur Facebook, Errance rénaldienne est là. Sur Facebook, Rénal Gagné est là. Et sur Blogspot. C'est quoi ça, Blogspot? Moi, j'ai pas de papier à rouler. Non, pas besoin de papier, là. Vous êtes Internet? Oui. Vous êtes cybernétique? Attendez. Pouvez-vous? Oui, on peut. Gaétan? Oui? Est-ce qu'on est cybernétique? Non, cybernétique. Le monsieur, attendez. Pouvez-vous lui dire? Oui. Êtes-vous cybernétique? Oui, vous ne saviez plus, hein? Non, mais... Parce qu'on m'a changé de titre, là. Là, je demanderais à ma personne qui tient les cartons, là, tiens-les plus longtemps, passe pas à la suivante, moi, là. Je suis pas rapide là-dessus, moi, là. J'ai de la misère à lire, je vois rien de loin, de proche, de hexagonal, et puis de long en large, là. C'est pas moi, ça, là. Gardez le carton allumé. Ah, mon Dieu, mets pas le feu. Ben non, là, c'est pas un spectacle de Jimi Hendrix, là. S'il vous plaît, gardez-le intègre pour que je puisse lire. Puis le crayon feu 3 pouces, là, sur les lettres. Comme ça, là, je peux pas voir, c'est au stylo bille. Cette semaine, je suis pas fâché. OK. Cette semaine, et ça, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons. Il est presque fâché, non? Je suis presque imparfait. Ah, mon Dieu, du subjonctif. Oh, allez-y, mon nom. Allez-y, dites-moi ça, le subjonctif. Ah, mon Dieu, c'est le passé simple. Moi, c'est pas du subjonctif, ça, là. Ah, mais arrêtez-moi ça, là. Le passé simple. Oui, allez-y. Avec quel verbe? Le verbe aimer. OK. J'aimais. Tu aimas. Il aima. Ils aiment. J'aimais. Tu aimas. Il aima. Nous aimâmes. Vous aimez. Mais ça fait longtemps, là. Oh! on se présente, là. Hein? Bonjour, moi, c'est Rénal, oui. Alors, j'aimais. Tu aimas. Il aima. Nous aimâmes. Vous aimâtes. Ils aimèrent. Hey! Ça vient vite, là. OK? Le verbe allouer. Hey. On va passer à la musique. Non, allouer. Pourquoi pas verdoyer, OK. C'est facile, verdoyer, là. Je verdoyais, tu verdoyas, il verdoya, nous verdoyâmes, vous verdoyèrent, il verdoyait. Hey, là, il verdoyasse. Verdoyasse, il verdoyasse. OK, êtes-vous certain? Si je suis... Oui, OK. Alors, le verbe copuler. Ah, mon dos, copuler. Toujours au passé simple? Oui. Ça existe encore, le passé simple? Monsieur Tremblay, moi, c'est... je suis trop simpliste. OK. Alors, c'est quoi, copuler? Je copulais, tu copulas, il copula, nous copulâmes, vous copulasse, il copulaire. Oh, c'est très simple. Cette semaine, on l'a dit, là, alors le mot, le verbe, il est d'un autre, il maîtrise son passé simple comme les autres, mais il n'y a pas tant de personnes que ça qui maîtrisent le passé simple. Hein? Le passé, c'est dit non plus, et puis le passé date. Le passé date, c'est pas français. Un petit sourire. Vivement mardi gras qu'on puisse enfin se déguiser. Comme l'année passée, on va avoir un tas d'idées. Des marquises, des fées, des cow-boys, des plombiers, des douzaines d'infirmières et 53 sapeurs-pompiers. Du plus mal observé à ceux qui auraient pu mieux faire. On prépare la soirée dans une ambiance du tonnerre. Il y a toujours un malin pour se déguiser en mouche, en cuvette de WC ou en escargot qui louche. Cela faut qu'ils expliquent car c'est pas très évident. Aux amis étonnés, l'idée de leur déguisement. Au cours de la soirée, on tombe souvent nez à nez avec un faux coluche qui essaye de vous faire marrer. Il y a toujours un public pour ce genre de rigolo qui s'étrangle de rire en s'empiffrant de petits gâteaux. Dans un petit canapé, un groupe de gens pas déguisés prétend avec fierté qu'ils n'aiment pas ces festivités. N'empêche qu'ils sont partout, faisant chaque fois acte de présence. C'est les mieux déguisés dans leur tenue de suffisance. On apporte le dessert, faut éteindre toutes les lumières. Car en plus aujourd'hui, on célèbre un anniversaire. En soufflant les bougies, on fait voler le sucre glace qu'un genre d'Henri Guibet va recevoir en pleine face. Pour moi. Quand la fête est finie, il reste toujours quelques amis, pleins de bonne volonté pour vous aider à nettoyer. Il faut se dépêcher car demain on va au boulot. Samedi tout le monde revient pour la super soirée diapo. Vivement mardi gras qu'on puisse enfin se déguiser. Comme l'année passée, on va avoir un tas d'idées. Des marquises, des fées, des cow-boys, des pompiers, des douzaines d'infirmières et 53 sapeurs-pompiers. Du plus mal observé à ceux qui auraient pu mieux faire. On prépare la soirée dans une ambiance du tonnerre. On prépare la soirée dans une ambiance du tonnerre. On prépare la soirée dans une ambiance du tonnerre. T'as vraiment un public japonais qui... Oh non, j'ai pas vraiment un public japonais. Non, non, mais j'étais parti là-bas pour faire un concert dans le cadre d'un... Comment ça s'appelle? Un espèce de salon international, professionnel. Ouais, voilà, un peu francophone. C'était au bureau export français. Okay. Et puis, il y avait des concerts. Et puis, je suis parti tout seul avec ma guitare, mes pédales, mon ordinateur. Donc voilà, j'avais fait un set un peu japonais. C'était au début où on s'auto-samplait, Donc je vais tenter ça. Donc voilà, j'avais fait tout un truc un peu... C'était très marrant. Et puis à l'issue de ça, il y a eu 6 labels qui m'ont fait des propositions de contrat. Et malheureusement, encore une fois, Maison de Disque n'a pas donné suite. Donc voilà, je suis passé peut-être un peu pour le gars qui s'en foutait, alors que pas du tout, j'avais envie de signer un contrat au Japon. Et voilà, mais ça m'a permis de faire quelques concerts là-bas, de m'éclater et puis de... Puis j'adore aller dans d'autres pays. Pour connaître. Mais même rien que la Belgique ou la Suisse, ça touche. Mais les gens n'écoutent pas la musique pareil. Le mot n'a pas exactement le même sens. La culture n'est pas la même. C'est ça. Donc il y a des morceaux qui marchent super bien en Belgique, pas en France, et vice-versa, tu sais pas pourquoi. Mais c'est, moi j'adore ça, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un engouement, il y a un truc qui t'échappe. Pourtant, c'est la même langue, mais voilà, il y a un truc qui t'échappe. Il y a le public, hein, le public québécois est très chaleureux, donc bah, c'est quelqu'un qui... Oui, ah, oui, bah... Moi, tous mes amis qui sont déjà allés là-bas me disent « Putain, tu adorerais, faut qu'il y a... » Ben, c'est des gens qui adorent la chanson française, qui sont enracinés, parce que, bon, on est un petit noyau dans un océan, bah, ouais. anglo-saxon, donc on est des petits francophones parmi, bah, ouais. parmi la mer, là. Et donc, ben, ce qu'on souhaite, c'est de se voir là-bas. Ben, j'espère bien, ouais, avec plaisir. Surtout à CKRL qui a la porte grande ouverte. Bah oui, si je vais là-bas, on prend rendez-vous maintenant, avec plaisir. Il n'y a aucun problème. Ouais. Mais hey, avant de se quitter, j'ai 10 questions que je pose à tous les artistes. Vas-y. Soit tu prends ton temps pour réfléchir ou tu te laisses aller. Okay? D'accord, tu me laisses aller. Non, je suis un petit peu mais vas-y. Au niveau narratif à la radio, ça ne donne absolument rien de se déboutonner. Voilà. Si, parce que c'est déboutonné. Je suis en train de me déboutonner la chemise. Oui, voilà. Ah, voilà, mais l'émission passe à minuit, donc c'est l'idéal. Ah, super. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Whisky. Pourquoi? Le whisky ou le sang? Le sang? Le sang. Ton petit côté vampirique? Non, parce que je parle beaucoup du sang, en fait, dans mes chansons, mais okay. dans le côté plutôt... le côté... charnel, et je dis souvent que j'ai du chagrin dans une chanson, j'ai du chagrin dans les veines, et j'aime ce côté, moi je suis un sanguin comme on dit, je sais pas si on dit pareil à Québec, voilà, et c'est vrai que je mets, quand je joue en concert, je mets souvent beaucoup de whisky dans mon sang, donc voilà, le whisky et le sang, j'aime. Comme plusieurs chanteurs. Voilà. Si tu étais, on n'en nommera pas, à part toi, si tu... c'est assez, hein, si tu étais une ville. Si j'étais une ville, bah je serais Anvers. Une ville de Belgique culturellement assez développée et qui a produit énormément de groupes de rock comme Deus notamment que j'adore. Et malheureusement je n'y suis non seulement pas né mais je suis en plus jamais allé à Anvers. Voilà, donc je serai Anvers. Mais c'est pas très très loin en TGV. Hein? Non, un jour j'irai. Oui. Effectivement, la vie est jeune. Hein? Voilà. Si tu étais une langue. Une langue? Ouais, ça te Une langue de bœuf? Ok, bon, ben, Jean-Claude Dreyfus a dit la même chose. C'est vrai? Ah ben, mais une langue parlée. Ah. Mais j'ai laissé ouvert cette éventualité-là pour savoir quelle réponse. Si j'étais une langue, je serais le cantonais. Okay. Parce que je suis passionné du cinéma hongkongais et du Wong Kar-wai des débuts, John Ito et tous ces réalisateurs-là. Et tous les films. En fait, j'ai aussi un peu arrêté le cinéma le jour où j'ai vu la trilogie de Wong Kar-wai des années 90, ouais. Chungking Express, Les Anges Déchus, Nos Années Sauvages, parce que je voyais à l'écran les films que j'avais envie de faire. C'est exactement ça. Okay. Et le mec le faisait mieux que je les aurais jamais fait. Et il y a cette langue cantonaise qui est incompréhensible, mais qui est tellement poétique, tellement belle, tellement prenante. Et les traductions de ces films sont vraiment bien, a priori, parce que la poésie est vraiment retranscrite. Et donc bah, j'ai passé, j'ai vu chacun de ces films-là, je sais pas, 15, 20, 30 fois. Dans la langue originale. Parce dans la langue originale, au cinéma, je l'ai en DVD et tout. Et j'adore cette langue cantonaise. Et je réfléchissais ce matin, je me disais que j'aimerais bien essayer de me lancer dans une nouvelle langue. Et pourquoi pas le cantonais. Mais voilà. C'est une langue qui est pas facile. Non. Mais bon. Ce qui est pas facile est toujours intéressant. Voilà. Ouais. La voiture ne roule pas bien, que les essuie-glaces essuient le capot avant, que les feuilles mortes viennent se coller sur le pare-brise, que le rétroviseur ne renvoie plus rien, que les sièges bougent dans tous les sens, que les ceintures s'en mêlent, et que votre femme, dans son petit cadre rose, vous regarde tristement en vous disant « Chérie, tu me trompes !» Je n'en peux plus, je n'en peux plus, j'ai les scrupules, j'ai les scrupules, il faut que ma femme soit au courant. Cette pauvre femme, cette pauvre femme, elle qui m'annule, elle qui m'annule, et moi qui la trompe. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, j'ai des scrupules, j'ai des scrupules, il faut que ma femme soit au courant. Tous les jours au fil de la route, l'amour m'a donné des coups bas, j'en ai largué des lits d'essence, vous me trouvez dans d'autres bras. Je suis l'insecte dans la toile, pour d'autres femmes mon cœur palpite, me voilà pris au piège du mal, elles m'ont bien trop sucé le sang. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, j'ai des scrupules, j'ai des scrupules, il faut que ma femme soit au courant. Cette pauvre femme, cette pauvre femme, elle qui m'annule, elle qui m'annule, et moi qui la trompe honteusement. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, j'ai des scrupules, j'ai des scrupules, il faut que ma femme soit au courant. Ma vie ne rime qu'avec des culs, j'ai trop vécu, je t'ai fait cocu, le plaisir est devenu c'est l'enfer. Je suis saoulé de trop de chair. Je suis un guignol, je suis un raté. Ça sent le nul autour de moi. À cette odeur, rien n'y fait. Y a pas d'aérosol pour ça. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'ai des scrupules. Il faut que ma femme soit au courant. Cette pauvre femme, cette pauvre femme, elle qui m'adule, elle qui m'adule. Et moi qui la trompe honteusement. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'ai des scrupules, j'ai des scrupules. Il faut que ma femme soit au courant. Ne puis-je donc pas pour mes vieux jours hériter d'un havre de paix. Ça sent pas bon dans notre amour. Mon cœur s'essouffle au vent mauvais. Je vais tomber en panne d'essence. Je n'ai vraiment plus goût à rien. Retrouverai-je un jour l'essence de notre amour qui s'éteint? Allez! Je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'ai des scrupules, j'ai des scrupules. Il faut que ma femme soit au courant. Cette pauvre femme, cette pauvre femme, elle qui m'annule, elle qui m'annule. Et moi qui la trompe honteusement. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'ai des scrupules, j'ai des scrupules. Il faut que ma femme soit au courant. Ma femme soit au courant. Il faut que ma femme soit au courant. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'ai des scrupules, j'ai des scrupules. Il faut que ma femme soit au courant. Il faut que ma femme soit au courant. Il faut que ma femme soit au courant. Quand on dit que l'on a que le tiroir, c'est vraiment vrai. C'était parfait. Cette nuit de la poésie, wow. Oh, je suis inie, j'ai pleuré, j'ai ri, wow. J'ai fait tous les temps. Oh, j'étais très dedans. Tu as pris pour ceux qui ont voulu dans tes bras. Oui, j'ai pris. Je couvrais la palette au complet des émotions. Je trouvais ça bon. Je suais toute l'eau de mon corps. À la fin j'en voulais encore. J'étais comme fou. J'en mettais partout. Tu l'as pris pour ceux qui ont voulu dans tes bras. Oui, j'ai pris. certainement pas la nôtre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas vraiment exaltante. En fait, j'avais fait une maquette d'un morceau qui n'est pas sur l'album. Et il y avait un passage d'un film qui s'appelle Pump Up the Volume, Adrian Lyne. Oui, ben oui. Avec, y a-t-il un lycée voilà. Le titre français, c'est Tachir. Voilà. Christian Slater. Et, et j'avais pris un bout de dialogue où il dit, à peu près hein, en français, « Je ne trouve pas cela très réjouissant de vivre dans une époque dans laquelle je n'ai personne à admirer et aucun chemin à suivre. » En gros. Et j'ai cette impression. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vraiment. Aucune référence. Bah, j'ai pas vraiment d'idole. Bah, y a toujours, tu vois, les Damon Albarn ou ces gens-là qui, moi, me parlent. Je me dis, tiens, c'est bien ce que font ce genre de mec, ou voilà, ou même Arcade Fire. Ou, voilà. Il y a des groupes, je me dis, bon, ils ont le mérite d'avancer en franc-tireur. Mais je sais pas des idoles. Et moi, les idoles me manquent. Voilà. Alors, si j'étais une époque, je sais pas du tout. Peut-être à la fin des années 50 pour voir la naissance du rock'n'roll et une époque où tout était à faire. Okay, toutes les rocks de l'époque. Voilà. Si tu étais un mot. J'étais un mot. C'est pas facile. Je réfléchis. C'est bien, c'est aussi le but. Si j'étais un mot. Je sais pas, je serais. Il y en a trop. Il y en a trop, ce que tu veux que je te dise. Je serais un mot, je serais. Je vais rien répondre de spirituel là. Ok. Je serais. On va dire peau. Parce que voilà, on me dit souvent que j'utilise. P-E-A-U. Beaucoup, ouais, P-E, la peau, ouais. Ah ouais, ouais, ben, pas un pot. Non, un pot à tabac, je serais sûr. Non, la peau. Un crachoir. Voilà, la peau, parce que j'aime la peau, j'aime le physique, et plus j'avance, plus j'ai envie d'écrire des histoires voilà, où il y a de la sueur, encore une fois du sang. Sans sueur. Voilà, et où il y a un côté charnel. J'aime le charnel, donc j'aime la peau. Si tu étais un aliment. J'étais un aliment. Qu'est-ce que je serais si j'étais un aliment? Je serais un steak tartare. Oh, ok. Non, mais ça demande quand même une certaine maîtrise. Hein, parce voilà. Qu'il faut qu'il soit... si tu étais une saison. Si j'étais une saison. J'ai envie de faire des blagues, non. Mais vas-y. Je serais la saison 6 de Lost. Ah, ok. Qui est ma série culte. Voilà. Oui. Et qui est la dernière. Ça, c'est ta série, c'est ça que j'adore c'est... Lost, ouais. Ok. Voilà, mais non, enfin, c'est fini depuis un an et demi ou deux ans, oui. Mais voilà, je... Non, franchement, je crois que c'est même pas terminé, ils sont encore les traductions. Ah ouais. je suis un gros fan de séries et... Doctor Who, non. Non, moi j'aime bien... Bah là, j'ai fini Dexter, mais... Ah oui, Dexter, le cinglé, là. Voilà, il est pas cinglé, hein, justement. Avec quel niveau, 5? Là, c'est la saison... Bah moi, j'ai fini la saison 5, mais la 6, c'est pas... Pas encore vraiment. Allez, je sais pas si elle est diffusée vraiment aux États-Unis. Il y en a qui disent qu'elle a été commencée. Okay, mais tu l'as vu en DVD, c'est ça? Ouais. Okay. DVD où j'ai un peu téléchargé à la fin. Parce que j'ai acheté plein. Moi j'adore, mais j'adore Skins par exemple aussi, série anglaise. Donc j'ai tout acheté. Twin Peaks, tout ça. J'ai une collection de DVD abominable. Enfin, j'ai des étagères entières de séries. Il y a une série qui s'appelle sous les six pieds sous terre. Six pieds sous terre, ouais. Six Feet Under. Il paraît que c'est hallucinant. Voilà. Je peux pas tout voir, mais je l'ai pas vu. Et tu l'as vu? Non. Non? Toi, tu l'as vu? Ouais, c'est vrai, j'adore. Hallucinant. Ah ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est plus féminin. Les femmes adorent. Ah ouais? Alors, oui. C'est mon copain qui m'a parlé de ça. Ah, ah bon, ma copine me parle de ça. Bon, mais voilà. Et elle m'a dit que d'ailleurs, un des mecs de Six Feet Under, c'est Dexter. C'est le héros, le même acteur. Oui. Alors la saison? La saison. Eh ben saison 6. Oui, non, tu veux un vrai, une vraie réponse. Je serai l'été parce que c'est la saison où je suis né. Et je suis né au mois d'août. Okay. Pendant la canicule et à chaque fois qu'il y a une grosse chaleur comme ça, je pense à ma mère qui a dû bien en chier parce que je suis né bien à terme. Mais, Voilà. L'été, on va dire. Si tu étais, et là ça peut, écoute, l'émission est diffusée à minuit. Vas-y, sans toi, tu t'attends à tout. Si tu étais un membre corporel. Je serais Bon, je vais pas répondre ça, écoute. Non, je serais. On a déjà répondu. Je serais mes doigts en fait. Ok, ta main. Parce que bah voilà, les doigts, vraiment, les doigts, okay. Parce que. En fait, dans chacune de mes activités, que ça a été le dessin, la musique, la boxe aussi, où les mains sont très importantes. Oui. Le cinéma, même quand tu cadres. Oui. Et voilà, et souvent je suis sur mon scooter et je mets pas les gants et tout, et au bout d'un moment je me dis, oh mon vieux, si t'arrive un truc, tes mains c'est quand même super important, même pour écrire. Ou... Donc voilà, pour toucher, pour. Voilà, là, je trouve que les mains, en plus c'est ce qui nous différencie des autres animaux, c'est-à-dire qu'on a le pouce qui a l'appréhension. Aucun animal ne peut faire ça, même le singe. Donc du coup, je trouve que les mains c'est le caractère le plus humain de la personne. Et en même temps, la plus sensuelle, et la plus utile pour te battre, pour aimer, pour manger, pour te faire exprimer, pour, voilà. Surtout en Italie. Mais, voilà. Mais on dit je demain. Bah, je suis bien. Ah, voilà. Paris, les scooters. Non, mais ça paraît encore pire, mais là-dessus, c'est super. Ça va. C'est bien mis. Bon. Si tu étais un moment... T'as pas la même à me croire, mais je vais t'envoyer le lien de l'émission. colère encore intacte. Il y a du sombre dans tes yeux. Quand tu invoques leurs souvenirs, il y a un sourire venimeux sur ton visage qui se déchire. Et des promesses dans tous tes mots. Tant de raisons pour que je reste et croire qu'il est. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Plus rien. Je suis cette femme de terre comme un semblant d'aurore. J'aime beaucoup, c'est l'été justement, quand il est à peu près 7h30-8h, que le jour commence tout simplement à tomber, okay, oui. Et que les gens sont rentrés du boulot, soit, machin, soit ou ne sont pas encore ressortis pour manger. Il y a souvent une espèce de calme dans les villes que j'aime beaucoup, okay. Qui est voilà, avant la sortie et en même temps après le boulot. Et il y a un truc, et moi j'aime bien me promener dans les rues, et c'est particulièrement à Nevers, je faisais ça quand j'étais adolescent. C'est-à-dire qu'à 8h, les restos ouvraient, mais on entendait encore le bruit des fourchettes, le bruit des... Et je me baladais dans les rues pavées de Nevers, qui est une vieille ville, et j'adorais entendre ça, j'avais l'impression d'être seul au monde, et maintenant, ça a un peu perdu cette magie, mais souvent, je sors et je fais ça aussi, et j'aime bien. Ah, c'était bien. Voilà. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Bah, je pense que je serais un mec sur qui j'ai écrit une chanson, Buzz Aldrin, okay. Qui est un mec qui est allé sur la Lune, un des deux, avec Neil Armstrong. Ouais. Et, mais qui n'a pas été reconnu autant que... Voilà, parce que lui tenait la caméra, et ouais. Donc en fait, en même temps, c'est le seul qui a été pris, enfin la photo la plus célèbre. Mm. On voit le casque de Neil Armstrong, en fait on voit Buzz Aldrin dedans parce qu'il prend la photo. Oui, à travers le... Voilà, travers il se reflète sur le casque, et je trouve qu'il y avait une notion poétique que j'aimais beaucoup là-dedans, c'était... tous les hommes disent. Ouais. Et voilà, c'est le groupe. Tous les hommes disent. Voilà, il y a un tourbus rouge qui arrive parce qu'on est à côté d'une salle j'ai de concert. Voilà. Et c'est un groupe de métal. C'est donc. Ça, voilà, là. C'est de l'électrométal, c'est pas hyper. Ah ouais, non, oh, c'est moche ça, l'électrométal. Là, c'est pas assez cool. Voilà. Par contre, il va falloir que tu coupes ton moteur, mon ami, parce que. Ouais. Et. Je te disais quoi? Oui, alors on parlait de... Buzz Aldrin dans le... Ouais, de notre individu, dans ce disait que... Ah ouais, Buzz Aldrin. Ouais. Parce que on est, tous les hommes, en fait, promettent toujours à la... Enfin, tu sais, on dit toujours, je te promets la lune et tout, on dit qu'on va décrocher la lune pour une femme, etc. Et ça, c'est les deux plus le troisième qui est resté dans la navette. C'est un mec qui est réellement allé sur la lune, et je me dis, pour sa femme, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable de dire il est allé lui décrocher la lune, quoi. Ah ouais, et il y avait une histoire, petite parenthèse, que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Neil Armstrong, donc l'autre, qui quand il est arrivé sur la lune, il a prononcé cette phrase, c'est un grand pas pour l'homme, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, blablabla, il a fait son discours et il a dit « Good luck, Mister », je ne sais plus ce que c'est, pas Valdheim, mais c'est un truc comme ça, « Good luck, Mister quelque chose ». Et personne n'a jamais su pourquoi il a dit ça. Il y a un documentaire qui a été fait récemment et, il a plus ou moins raconté cette histoire et je trouve ça fantastique. C'était que quand il était gamin, il vivait dans une banlieue, voilà, les petites maisons bien alignées, etc., tout propre, tout le monde va bien. Et il jouait avec son ballon et à un moment donné, son ballon est allé jusqu'à la maison, en face de la sienne, et il entendait monsieur, alors je sais plus son nom, il faut que je retrouve, monsieur X, demander à madame X une faveur sexuelle, en fait, voilà, une petite pipe, comme on dit. Et à part que dans les années 40, ça se faisait pas comme ça, quoi. Donc elle lui disait, je te ferai une pipe le jour où le gamin d'en face, à savoir Neil Armstrong, marchera sur la Lune. Et il y a pensé, et quand il y est allé, il a dit, good luck Mr. Machin, ça y est, tu vas pouvoir avoir ta pipe. C'est génial. J'espère que cette histoire est vraie, parce qu'elle est tellement belle. Moi, genre, et on dit, c'était Cocteau qui disait si la légende est plus belle que la vraie vie, écrivez la légende. Eh oui, bah oui, c'est vrai. Alors laissons voilà. Et en terminant, c'est ma question 2011, parce que c'est un flop monumental, mais je l'ai dit quand même. Ça n'a jamais bien fonctionné. D'accord. Quelle folie tu aimerais laisser à mon émission en dernier segment? Quelle folie? Oui, audio, mais c'est pas. Alors il faut que ce soit audio. Faut que ce soit quoi? Audio? Audio, ça sert à rien de faire des Je mêlées. Peux bouger le truc ou pas? Tu fais ce que tu veux. Alors la dernière... Je vais aller te faire écouter le bruit d'un pot d'échappement de tourbus. Okay, voilà. Voilà, c'était le bruit d'un pot d'échappement de tourbus de groupe de métal allemand. Et la senteur du micro? Ah bah maintenant tu peux... Oh non c'est bon. C'est bon, pas trop le diesel? Non. Voilà, c'est ça le bruit de la musique. Tu peux aller faire crier les jeunes métallés aussi. Je vais te laisser y aller. Non. Joseph, merci de ta présence, merci de ta visite à mon émission. Je t'envoie l'enregistrement original dans quelques semaines avec un lien direct, tu peux le télécharger. Super. Après tu me dis que tu l'as téléchargé, je l'enlève, donc c'est d'accord. Unique, ça n'appartient qu'à toi. Super. Donc même... À ta maison de diffusion, de la maison de quoi, ton attaché de presse. Et bah, avec grand plaisir, ça marche. À ton bras droit. Donc, merci d'être cool. venu. Et bah, merci à toi. Et je te souhaite une arrivée à Québec incessamment. Ah, bah, j'espère bien. Que tu puisses faire profiter aux Québécois de ta grande... de ta façon de faire, qui est quand même unique dans la chanson française. Et il y en a peu. Il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses, mais avec une c'est assez bien. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Joseph. À la revoyure, comment tu sais. Eh ben, on l'a dit aussi ici. À la revoyure. Salut. Ciao. Violence, tu aimeras.